Stephen King aime peut-être les hot dogs, Stephen King aime peut-être les radios, Stephen King a scénarisé Creepshow et Anna Clavel et James Dudelson en ont réalisé la deuxième suite. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock, je suis avec Chris, salut. Salut. Ça va? Bah écoute, ça va, froidement, ça commence à... Il était vraiment temps, c'est presque rassurant quand même qu'il commence à faire enfin froid. On va pas se plaindre qu'il commence à faire froid seulement en novembre. Ouais, enfin si justement, on va se plaindre que ça vienne seulement en novembre. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est plutôt ça. Bon bah, est-ce que t'es prêt pour parler du film d'aujourd'hui? Est-ce que je suis obligé de répondre à cette question? De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Et bah, let's voilà. Go. Très bien, donc c'est un film à sketch, donc on va quand même un peu spoiler, mais oui, bon, comme bon, c'est assez secondaire, les spoils sur un truc comme ça, tout de même, on va pas se mentir. Vous êtes très peu à l'avoir vu. Et très peu à vouloir le voir l'un dans l'autre. C'est parti. Donc, par rapport à Creepshow 3, pour son histoire, en fait, il faut surtout revenir sur la compagnie de production du film qui est Taurus Entertainment, qui a les droits de plusieurs films de Romero achetés au fur et à mesure, notamment de Night Riders, Le Jour des Morts Vivants et Deux Yeux Maléfiques. Ils n'ont pas les droits du premier Creepshow, ni même du deuxième, apparemment, les droits de distribution, mais ils ont dû réussir à obtenir, pendant un temps, les droits d'utilisation du nom, de la licence. Et d'ailleurs, la compagnie est aussi parmi les compagnies de production de la série Creepshow qui a démarré en 2019, ce qui montre qu'ils doivent toujours avoir quelques billes dans cette histoire. C'est une compagnie de distribution et de production qui est surtout active dans le cinéma de genre, et bah les Romero c'est quand même plutôt une exception, hein, parce que sinon ça fait plutôt dans le bas de gamme, et surtout quand ils sont producteurs plutôt que distributeurs, là vraiment on descend sur des trucs que je ne connais pas, mais qui atteignent rarement les 3 en note sur IMDb, tu vois. Le seul film, à la limite, qui pourrait m'intéresser dans toute leur filmo, c'est Martians Go Home, qui est une adaptation d'un roman de SF comique, qui est assez sympa. D'accord. On me dit peut-être que le film est rigolo, mais il est très très mal noté. Mais le livre, il pourrait te plaire, je pense. D'accord. C'est par quel auteur ? Frederick Brown. D'accord. Et c'est... En gros, les Martiens, ils débarquent sur Terre, et le principal problème, c'est que c'est des emmerdeurs, en fait. Voilà. Et du coup, c'est assez rigolo. Ce ne serait pas une métaphore des touristes qui débarquent dans un pays étranger. Il y a potentiellement un peu de ça, ouais. Les réalisateurs, c'est donc Anna Clavel et James Glenn Duddleson qui sont à la tête de la compagnie Taurus, si j'ai bien compris. Donc c'est pour ça qu'en fait, sur quasiment tous les films produits par Taurus, ils vont être présents. Bon, bah bien sûr en producteur, mais très régulièrement en réalisateur et scénariste, parce que c'est une petite compagnie qui engage rarement des gens extérieurs. Mettre la main à la pâte. Voilà. Donc là, ils sont aussi scénaristes du film, et Anna Clavel, c'est aussi la monteuse. D'accord. Ensemble, ils ont également bossé sur Le Jour des Morts Vivants 2, Contagion, voilà. Non mais, quitte à avoir les droits, hein, de toute façon, autant faire n'importe quoi, tu vois. Ah oui, je suis d'accord. Hein. Anna Clavel, seule, elle a réalisé Horreur 120 Endgame, Horreur 102 Endgame, pardon. Ah. Et Chick Street Fighter. J'ai pas vu les 101 premiers. Non, moi non plus. Et elle a réalisé aussi, qui est un peu en contraste avec tout ça, Passaret, un court-métrage d'animation visiblement très bien sur le sida chez les jeunes. Voilà. D'accord. Chez les enfants, même, apparemment. D'accord, un truc de prévention. Je pense, ouais. Je pense. J'ai essayé de le trouver, j'ai pas réussi. Ah, tu t'es dit, il y a un truc qui est bien noté, je vais essayer de le voir. C'était un peu ça. Et Duddleston, lui, il travaille comme producteur exécutif sur les séries Day of the Dead et Creepshow, et il a réalisé Lesson of the Assassin, Lesson for an Assassin, Horror 101, voilà, et Morella, adapté d'Edgar Allan Poe, une nouvelle d'Edgar Allan Poe. D'accord. Il y a 5 scénaristes, en fait, sur le film. Je disais donc qu'il y avait les 2 réalisateurs. Clavell, elle a écrit le premier segment, Alice. Duddleston, il a écrit La femme du professeur. Je crois que c'est le 4e. C'est le 4e, c'est l'avant-dernier, ouais. Ouais. Scott Frazel a réalisé Haunted Dog, le dernier. Pablo C. Papano, il a fait Call Girl, le 3e. Et Alex Huglo a fait The Radio, le 2e. Les comptes sont bons. Donc j'ai regardé un peu le reste de la filmo des scénaristes. Bon, Frazel, il y a quelques trucs en réal additionnel et autres, mais rien de bien notable. Je me suis dit j'aurais peut-être plus de chance avec les autres. Et en fait, on baisse. Plus je suis allé d'un scénariste à l'autre, moins ils ont fait de trucs. Et on a fini sur Alex Huglo, qui, à part ce scénario-là, a été juste interne sur un autre film. Et c'est l'intégralité de sa fiche IMDb. C'est triste. Voilà. Mais je l'ai retrouvé sur LinkedIn et c'est devenu un start-upper de audiovisuel. Ah bon ? Voilà. Ah. Il se plairait. Mes recherches, des fois, elles sont merveilleuses. La pré-production, elle a commencé en 2005. Les réals disent que ça faisait un moment qu'ils voulaient travailler sur du Creepshow, mais qu'ils ont pu mettre ça en place qu'en 2005. Au casting, on va pas parler de tout le monde, loin de là, parce qu'en fait, il y a un casting choral, forcément, vu le dispositif du film, et la plupart des acteurs et actrices, en fait, sont pas connus du tout, ont quasiment rien fait à côté, donc je vais mentionner quelques petits trucs, tout de même. Le héros de The Radio, A.G. Bowen, lui, c'était un de ses premiers rôles, mais il a maintenant une carrière assez active, surtout dans le cinéma de genre, dans des seconds rôles. Par exemple, il jouait dans Your Next. D'accord. Bon, je sais que toi, tu l'aimes plutôt bien. Moi, j'ai plutôt apprécié, toi moins. Un des 2 étudiants dans La femme du professeur, c'est Ben Pronsky, qui lui est un comédien de doublage très actif maintenant, avec beaucoup de japes animation, notamment, dans One Punch Man, dans Your Name, Violet Evergarden, Gundam. D'accord. Des trucs plutôt haut de gamme, quand même, bah oui. Dans la japes animation. Et il double aussi Venom dans la série animée Spider-Man de 2018. Ouais, d'accord. Donc c'est avec Morales, non, celle-là ? Il me semble, oui, 2018, ouais. Donc voilà. Les séries animées Spider-Man, pas trop suivies. D'accord. Et dernière chose qu'on peut mentionner, qui est un peu rigolote pour le casting, c'est Aylan Dietz, qui joue un tout petit rôle, c'est la mendiante dans le segment Call Girl, celle qui se fait couper la gorge. Ouais. Et en fait, c'est le visage de Pazuzu dans L'Exorciste. Ah bon ? Ouais, voilà. Ah bah, elle, au moins, a fait quelque chose qui a marqué des générations entières. Oui, voilà. Alors du coup, c'est plus par le talent de Friedkin que par le sien, mais... Oui, c'est pas un rôle qui demandait beaucoup de jeu, non, forcément. Hein. Voilà. Voilà. Le directeur photo, c'est James M. Le Goy, habitué des studios Taurus. Et bon, bah, son travail est pas très intéressant. Voilà, il n'y a pas d'ambiance qui se crée, c'est une photo très plate. J'espère qu'un jour personne ne parlera de moi de cette manière dans un podcast. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? Parce que c'est d'une tristesse. Les maquillages et pour les effets gore sont de Greg McDougall. À la limite, c'est le seul truc qui vaut peut-être l'achat du DVD. Oui. En fait, ça insiste surtout sur lui, le making-of qu'il y a. Ça insiste sur son travail sur les effets gore, alors ça va pas très loin, parce que de toute façon c'est pas des effets gore hyper poussés, mais c'était un peu intéressant tout de même. T'es en train de me dire que ta version allemande dégueulasse, c'est un making-of. Ouais. Moi, ma version espagnole avec une superbe jaquette n'en a pas. Hein. Bah ouais, c'est la qualité allemande, l'efficacité allemande. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tiens, à préciser ça. Alors on précise quand même que le film n'existe pas en version française, donc voilà, on a dû faire face à l'importation pour le voir. Ceci dit, on y reviendra, mais je trouve que ma jaquette vend beaucoup mieux le bon film que la tienne. Hein, parce que la tienne, il y a vraiment arnaque sur la marchandise. Mais bon. Donc, comme je disais, Greg McDougall, lui, pour le coup, pareil, c'était un de ses premiers trucs à l'époque, mais il a step up pas mal hein, comme directeur des figures, parce qu'il est sur des trucs comme Black Panther 2, Stranger Things, Conjuring 3, The Haunting of Hill House et Doctor Sleep ces dernières années. Ah oui, ça va. Voilà, c'est des films majeurs, même s'il y en a un qui, je crois, n'est pas très bien classé chez nous. C'est des œuvres qu'on apprécie ou pas, mais quoi qu'il en soit, en termes d'effets spéciaux, ce sont des plutôt réussites. Oui, c'est ça, et tu te fais engager sur Stranger Things, enfin, il y a du budget, à mon avis, voilà. Ils engagent quand même pas le premier clan plein venu sur un poste comme ça, tu vois. Ah, clairement, Stranger Things, les effets spéciaux sont vraiment très très bien. Mmh. Oui, ça pour le coup, visuellement, la série, clairement, elle est plutôt bien gérée. Oui. Ouais. Le budget est estimé à 3,5 millions de dollars, ce qui me paraît probablement crédible. Oui. C'est le prix de la cantine pour tout le monde, c'est ça. Ça me paraît crédible. Ah oui, là on est vraiment sur de la petite série B, voire Z. Ouais. La musique est de Chris Anderson, un autre habitué de Taurus Production, dont je ne connais aucun autre travail, mais en même temps, bah, il a fait quasiment que du Taurus et des trucs très très obscurs comme ça. Et bon, bah... Même chose que pour le directeur photo, en fait, il fait une musique très générique, limite un peu agaçante. J'en ai marre des musiques comiques avec des pizzicato de violon pour souligner que c'est drôle. Ouais. Ça me gonfle un peu. C'est un peu comme l'effet du vinyle qui crache. Ouais. Sur les effets comiques, c'est très très moche maintenant. Ouais, c'est ça, ça devient lassant. Il y a une info que je n'ai pas trouvée, y compris au générique, alors c'est peut-être que c'est mentionné sous un poste discret où le nom n'a pas l'air, mais c'est la personne qui s'est occupée de l'animation en début de film. Qui est dégueulasse. Ouais, et en fait, c'était pas tant pour lui rendre hommage que pour lancer un contrat sur sa tête que je voulais retrouver son ah nom. Oui. Mais... Ah oui. Mais voilà. Non, mais de toute façon, c'est sur ça qu'on va commencer la critique du film. Donc... C'est... Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a dû travailler pour Dingo Pictures, hein, on retrouve la patte. Ah oui. Après une sortie très limitée dans un ou deux cinémas, le film est sorti directement en DVD le 15 mai 2007, un mois après le DVD espagnol, parce que là je parlais du DVD américain, et puis dans quelques autres pays, mais comme on l'a dit, pas en France. Il a actuellement 1,8 étoiles sur Allociné, ce qui le place 45e à égalité avec Dreamcatcher et The Mangler, et pour la première fois, ça se célèbre un peu... Il a 0% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes. Oh la vache! Ce qui le place donc 54e. Oh la vache! Voilà. Même. C'est la première fois, malgré toutes les boosts qu'on a pu voir, qu'on atteint le 0% de fraîcheur. Ça se fête. Ouais, je sais pas comment ça va se fêter, mais ça se fête. Look at this! The contour and design is just absolute perfection. It's blood, it's just so real! Oh my god! I haven't found the circuits yet though. Did you find the circuits? I'm searching for it. I think I found it. Oh my god. Look at this. The skin tone. It's perfect! Hey Charles! Charles! Check out the brain. Look, it even jiggles the right way. Can I touch it? Yeah, go ahead. Évidemment, bah, ni King ni Romero, qui étaient encore vivants à l'époque du film, n'ont jamais parlé de ce film, ni, je pense, n'ont même connaissance de son existence. Oui. Donc on va passer à nos avis. Et je te laisse la main. Creepshow 3, bah écoute, c'était pas bien. Hein. Alors moi, c'est tout frais dans ma tête, puisque à l'heure où je suis devant le micro, j'ai vu le film il y a moins de 2 heures. Donc c'est vraiment très très frais. C'est-à-dire que je me suis levé ce matin, j'ai écrit quelques petits trucs par-ci par-là, j'ai regardé Creepshow 3, je me suis habillé, je suis venu. Voilà. C'est dur comme début de journée. Ah, c'est très très dur comme début de journée, surtout quand c'est dimanche. Quoi. Ouais, le dimanche matin de folie, là. Voilà, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Pour citer un célèbre philosophe français. Bref, le film s'ouvre, c'est un film à segments, donc je pense qu'on va s'attaquer segment par segment. Hein, oui, logiquement. On va faire ça, oui. On peut déjà dire que globalement, c'est nul, c'est long, c'est chiant. Mm-hmm. Voilà. On va dire, parce que ça concerne tous les segments, que la seule idée que j'aurais pu trouver intéressante, c'est le fait qu'il y ait des personnages récurrents d'un segment à l'autre. Il raccorde ça, mais le problème, c'est qu'il raccorde ça un peu au chausse-pied. Donc, Ah oui, totalement. Mais c'est l'idée qui aurait pu être intéressante. C'est ça. Donc, le film s'ouvre sur une animation 2D Je pense que c'est même pas fait sous Paint, ça doit être fait sous l'ancêtre de Paint, tellement c'est dégueulasse. Vraiment, les premiers épisodes de South Park étaient mieux animés. C'est vous dire et le... mieux dessiné aussi. C'est vous dire le désastre. C'est vraiment... on est vraiment au niveau d'un Dingo Pictures. Je songe presque à l'envoyer à quelqu'un de Nanarland pour voir si ça les intéresse en cut, hein, tu vois. Et du coup, on voit le petit personnage qui... en fait, c'est un petit personnage avec un hoodie qui se balade dans la rue, qui à un moment chope un chien... Ah, Woody Allen. Oh putain. Il chope un chien, on comprend qu'il le découpe, et il le vend en hot dog, et du coup, là, s'affiche Creepshow 3 sur l'écran, et c'est dégueulasse. C'est totalement nul. Je sais même pas ce que ça fout là, puisque après, dans le film, il y a des transitions animées qui, eux, sont faites façon comics, comme les précédents films, en fait. Oui, là, ça n'a rien à voir avec le reste, c'est très court, et bon, après, les transitions sont dégueulasses aussi, hein, dans le film. Oui, par contre, oui. Mais elles sont dans l'esprit des précédents films. Oui. Alors que là, pas du tout. Oui. C'est très étrange. Bref, moi, je me suis même demandé, mais est-ce que c'est un rajout de la version espagnole? Je comprends pas ce que je suis en train de voir. Et du coup, tu me rassures en me disant que ça existe aussi chez toi. Non, c'est bien dans le film, mais j'ai trouvé des critiques qui en parlent aussi. Donc tout le monde a vu ça. D'accord. C'est pas juste nous. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde? Ah bah oui. D'accord. Ah, c'est vraiment très très laid. Ouais. Bref. Premier segment. Premier segment sur une gamine qui rentre chez elle, son père... essaye de régler la télévision avec une nouvelle télécommande qu'il a achetée, ou je sais plus s'il l'a achetée ou s'il l'a trouvée, je sais plus. Je crois que c'est un cadeau du professeur. Ah, c'est un cadeau du professeur, ça doit être ça, parce que c'est lié au professeur, tu vois, quasiment ouais. Tout est lié au professeur. Et à un moment, il appuie sur un bouton et ça transporte la nana dans un autre univers où, en fait c'est le MCU. Où ses parents sont une famille noire, en fait. C'est pas pourquoi. Je crois qu'il y a la famille latino. Non, c'est après. C'est d'abord la famille noire, ensuite c'est la famille latino. Et donc voilà, elle passe d'univers en univers en se déformant petit à petit. C'est pas pourquoi. C'est le problème de ce film. Il y a beaucoup de moments où tu te dis, mais pourquoi? Il y a beaucoup de moments où c'est ça, en fait. Et... au bout d'un moment, elle revient dans son univers, mais là, elle ressemble plus à rien. C'est une immondice faite de pustules et de grosseurs de partout. Elle sort, le professeur la trouve, il la transforme en lapin, c'est la fin. En lui disant qu'elle est comme ça parce que c'est son vrai visage, parce qu'elle est plutôt méchante et méprisante. Oui, voilà. Pourquoi? Je n'ai pas compris, vraiment, je n'ai pas compris l'intérêt de tout ce petit cours qu'on a vu. Oui, c'est dommage parce que l'idée de base, elle aurait pu être rigolote, tu vois, la télécommande qui permet de voyager d'un univers à l'autre. C'est mal fait, mais il y a un début d'idée de réal dans le fait que t'as les mêmes plans qui reviennent quand à chaque version du même dialogue, t'as le dialogue qui est refait par les trois familles. Et il aurait pu y avoir un truc vraiment drôle à construire autour de ça, si ça avait été bien rythmé, ne serait-ce que ça, parce que tout est lent et ça sera vrai de tout le film, tout traîne. C'est ouf quand on se dit que la réalisatrice est monteuse, quoi. Enfin, normalement, ça s'est rythmé à un monteur. Normalement, oui. Alors que là, c'est mou du... Là, c'est catastrophique. Et, ouais, il y a un décalage entre cette idée un peu absurde, un peu rigolote, et la conclusion qui est un peu une conclusion de fable morale ou de conte morale, qui est totalement déplacée. Quel est le rapport entre la télécommande et l'idée qu'elle soit... méchante. L'aide à l'intérieur. Il y a... Enfin, c'est deux idées différentes qui ont été collées très mal. Ah oui. Ouais, je comprends pas quel était le but de ce segment. Moi, pareil, je suis resté quoi devant ma télé. Il y avait probablement plein d'autres moyens de raconter l'histoire de la laideur intérieure avec un autre gadget en mettant un autre dispositif en avant. Mais l'effet visuel de elle qui commence à se transformer, qui est déformée. Rend plutôt bien à l'écran, voilà. Oui. C'est le seul truc à sauver du segment, en fait. Oui. Il y a toute la section interminable où elle sort de chez elle et où elle se retrouve dans la maison du voisin avec un livreur qui vient. Ah oui. Elle qui mange un gâteau. Je ne comprends pas tout ce passage-là. Qu'est-ce que c'est censé être? Pourquoi? Avec déjà la... Il y a un lien déjà avec le fait qu'elle va se transformer en lapin. Ah ouais? Bah oui, parce qu'il y a la petite gamelle avec Alice écrit dessus, il y a déjà un lien. Ah oui, j'ai pour ça en fait. Oublié. C'est pour ça tout ça, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment une métaphore sur la méchanceté intérieure? Ou est-ce que c'est juste. Bah non, en fait, à la base c'est un lapin, et puis un jour elle s'est transformée en nana, Et tu vois, et du coup, sa famille y a cru, et en fait, au final, le professeur la récupère en lapin. Tu ne comprends pas, je ne comprends pas. Bref, c'était pas très bien. Ouais. Le deuxième segment, c'est l'histoire d'un loser. Typiquement le genre de personnage, pour le coup, que King pourrait écrire. Oui. Parce que, globalement, tous les personnages sont des connards finis. Et à aucun moment, tu te dis, mais c'est pas des personnages... Ça peut pas être des personnages de King, ça peut être des méchants chez King, mais pas des héros, en fait. Tellement c'est tous des connards dans tous les segments, quasiment. Là, du coup, un mec un peu raté qui est gardien, qui garde le parking et... on sait pas trop tout ce que c'est, mais bref, qui est gardien sur un parking, qui est un petit peu loser, qui vit dans un immeuble avec des dealers, des prostituées, un immeuble un peu cracra, quoi. Tu te dis, tu touches la rambarde d'escalier, t'as chopé 3000 maladies, tu vas crever le lendemain. Bref, à un moment, il veut écouter la radio chez lui. D'ailleurs, je pense que cet homme va mourir très tôt, parce qu'il y a des bouteilles de bière partout, et à un moment, je le vois, il s'installe, il commence à sortir une bouteille de whisky, et fait trois fois ma tête. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il risque de mourir très très tôt, ce garçon. Bref, il veut écouter la radio ne marche pas, il sort dehors, il achète une radio à un clodo, bon soit, avec un dialogue interminable. Oui. Un dialogue interminable où le... Qui lui présente les différentes radios. Voilà. Où l'acteur qui joue le clodo surjoue à donf. À lui, il vit sa meilleure vie. Hein. À lui, il s'éclate. Ça se voit qu'il s'éclate. Il rentre chez lui avec la radio. L'autre, il lui a vendu une radio toute pérave qui est pétée. Puis finalement, la radio commence à lui parler. Et commence à le manipuler. À le faire aller récupérer de l'argent. Sans doute à des trafiquants de drogue, on ne sait pas. Parce que le mec, il escalade l'immeuble entier. Tu sais même pas comment la radio peut savoir que l'argent est là. Ouais, elle est magique. Ça, à la limite, je serais prêt à l'admettre, tu vois. Le problème, c'est tous les événements qui suivent après. C'est-à-dire, il commence à devenir copain avec l'une des prostituées copain. Il lui parle 3 secondes et ça y est, ils sont meilleurs amis, ils sont bons ensemble. Et à un moment, il récupère l'argent, ils vont dans un petit endroit. Elle lui dit, attends, je vais pisser, ok. Lui, il se rebelle contre la radio, il défonce la gueule à la radio. La prostituée, elle revient, elle lui tire dans le dos, elle le tue comme ça, tu fais... D'accord. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, ah, peut-être que c'est elle qui faisait, tu sais, qui, avec un talkie ou quelque chose, faisait la voix dans la radio pour lui dire quoi faire. Je me disais ça. Et au moment où je me disais ça, elle se prend une balle dans la tête. Donc, je me suis dit, ah bah non, en fait, c'est pas ça. Et donc, elle se fait abattre par le Mac de l'immeuble qui surgit d'on ne sait où, on sait pas pourquoi. Et lui aussi, il a une radio et tu te dis, mais pourquoi? À la limite, ça aurait pu être, je pense, le meilleur segment parce que l'idée des radios manipulatrices qui organisent qui ont chacune leur champion comme ça et elles se combattent l'une l'autre par humains interposés. Je pense que ça aurait pu être rigolo, ça, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est que c'est pas du tout ça qu'on nous sert. Oui, parce qu'encore une fois, c'est très mal fait, ça dure beaucoup trop longtemps. Tout le début, avant que la radio lui parle, c'est interminable. Mais ce segment entier est interminable, ouais. C'est le plus long. Mais c'est le meilleur, je trouve. Ah, je sais pas. Je sais pas. C'est le quatrième, toi, avec lequel t'hésites? C'est lequel, le quatrième? La femme du professeur. Ah, celui-là, je trouve, aurait pu être rigolo. Oui, oui, aussi. Ça aurait été mieux fait. Mais je trouve celui-là un peu plus correct. Celui-là, effectivement, il fait... Elle se sent problème. Mauvais épisode des contes de la crypte. Ouais. Ou de très mauvais épisode des contes de la crypte. Ou de la quatrième dimension. Oui. Mais celui-là, en fait, le vrai problème, c'est qu'il est long. Ouais. Il est long, il est trop long pour ce qu'il raconte. C'est le plus long, il doit... Franchement, je me souviens... Je regardais la timeline du film au fur et à mesure des segments. Premier segment, je regarde la tagline, il est terminé, il est 16 minutes. Je me dis, bon, bah ça va être à peu près ça, ça va être une vingtaine de minutes par segment. Et celui-là, il avance, il fait, mais il se termine jamais celui-là. Et je regarde, et on arrive à la fin, on est à 45 minutes de film. Je me dis, mais il a tout alors, bouffé pour y a tout seul. Il y a le cinquième qui est extrêmement long aussi, je crois. Parce que le troisième et quatrième sont très courts ouais. Au final. Mais du coup, tant mieux pour cela. Et celui-là, ouais, son problème, c'est qu'il est très long. Mmh. Et il est très long, la mise en scène et... Le jeu d'acteur, n'en parlons pas. Ouais. Il y a des scènes qui ne servent à rien. La scène de l'interrogatoire avec le flic qui vient chez lui, ça n'a amené à rien du tout. Bah, c'est censé être un moment de tension, mais c'est très mal... Comme c'est mal, mal réalisé et mal joué, ouais. Ça marche pas. Avec le flic qui lui réclame du lait, puis après il sort. Il y a du lait dans Paris. Il revient parce que oh, j'ai oublié une question. Tort. Et puis il voit que le verre de lait est rempli. Il dit ah bah finalement vous avez retrouvé du lait. ta gueule, on s'en fout. Oh, il est interminable ce segment, c'est horrible. Même quand il va récupérer l'argent, l'argent planqué, ça dure longtemps. Oui, parce qu'il y a tout le passage. Un animal mort. Il y a tout le passage où il monte le building. Ouais. Il aurait fallu vraiment que ça aille plus vite et qu'on voit la radio lui faire faire plus de choses improbables. Ah oui. Pour rendre ça réellement absurde, en fait. Parce que là, tu la sens pas, en fait, la montée en puissance de la radio. Et bah, à aucun moment... Enfin, c'est pas logique, le split entre lui et la radio. Le moment où il se rebelle contre elle, c'est pas logique. Parce que jusque-là, il l'a toujours écouté, en fait. Bah, je crois qu'il y a l'idée qu'il est amoureux fou de la nana, mais ouais, on l'a vu deux fois... C'est ça, on l'a vu deux fois, c'est une prostituée qui juste lui faisait un peu du gringue. Bah voilà, c'est ça. Comme ça, mais en plus, de manière... C'est pas un peu classe, hein, c'est vraiment là... C'est vraiment là, hey, viens, je vais te faire monter au 7ème ciel. Voilà. Enfin, on en est là. Hein, ça donne pas envie, quoi. Voilà, donc ce deuxième segment, bon, il est mieux que le premier, certes. Je trouve que c'est celui dont la structure globale, la structure d'écriture, est la meilleure des cinq. Ça, d'accord. Hi, what seems to be the problem? I don't know, I just... It seems like everything's just not going right. Freight elevator, got crushed my wrist. Don't you need me to take off my clothes? Next! Ming Yi? Is that Chink or Jeff? There you go. Next! You are funny today, that's good, that's good. We'll see how funny you are whenever I break your arm again and reset it. Next! Got the old black eye there, huh? How'd you get that? Ming Yi. Okay, here's what it's gonna be. $75! Le troisième, pour moi, est celui qui a la meilleure idée, mais qui, du coup, n'en fait rien. Oui, je vois pourquoi tu dis ça. Parce que le troisième, on suit, du coup, une call girl, donc encore une fois une prostituée, qui, en fait, s'avère être une serial killeuse, qui se rend chez ses clients, elle prend le blé et puis elle les tue. Et à un moment, elle débarque chez un client, qui, lui, en fait, s'avère, lui aussi, être un serial killer, mais lui, plus démon. Et l'idée... Parce que là, la mise en scène est pas mal, parce que, du coup, elle arrive chez lui... Ils ont un échange interminable, encore une fois, comme tout le reste du film. Et à un moment, ils montent les escaliers, et donc t'as la caméra qui se déplace et qui nous montre le salon, où on voit que le mec a tué déjà la famille, oui. La famille de la maison dans laquelle ils sont, en fait. Et donc là, tu comprends que les deux sont très dangereux. Et c'est peut-être l'un des seuls plans un peu travaillés, un peu réfléchis de tout ce putain de film, hein, il faut quand même le dire. Et... Bah, le film ne fait rien de cette idée, parce que une fois en haut, elle lui bande les yeux, elle l'attache au lit, et puis elle le poignarde, et puis du coup elle prend le blé, et puis à un moment elle entend des bruits, donc elle retire l'oreiller qu'elle lui a mis sur la tête, elle voit que c'est un démon, il se relève, il la tue. Tu dis y a rien, il y a même pas de petit échange un petit peu psychologique sur « Ah, on est deux êtres très dangereux hein. ». Il n'y a pas ce que par exemple on a pu avoir dans « J'ai rencontré le diable ». Alors, je demande pas forcément à ce que ça aille là, parce que c'est censé être comique, creep show. Et ok, des fois c'est drôle, j'ai rencontré un odium, mais quand même. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Voilà, c'est comparé. C'est-à-dire que comparé à creep show, au-dessus c'est le soleil, quoi. Non, mais à la limite, ça aurait pu faire penser. Le contexte est différent, mais 2LDK, tu l'as vu? Non, pas du tout. Film japonais. Qui avait été tourné en même temps qu'Aragami. Ouais. En fait, les deux réalisateurs s'étaient lancé le défi de faire un film de duel en huis clos, et donc c'est le deuxième. Je connais l'histoire. Aragami, je l'ai vu, c'est très très bien. Et l'autre est très bien aussi. Le Kitamura. Aragami, c'est Aragami. Kitamura, et l'autre, j'ai plus le nom du réal en tête. Mais c'est deux nanas qui passent le film à se battre dans un appart de manière absurde, parce qu'elles sont toutes les deux actrices, et elles candidatent sur le même rôle, mais elles savent même pas si elles vont être prises, en fait. c'est totalement débile, la raison de leur bagarre. Et là, ça aurait dû être ça, en fait, les deux qui sont des tueurs dangereux et qui se tapent l'un sur l'autre pendant tout le film, ça aurait été drôle. Voilà. Il y aurait eu plein de trucs à développer, en plus, dans l'appartement, plein de trucs un peu humour noir, gore. Alors que pas du tout. Et que ça aurait pas demandé, je pense, un budget dingue. C'est un peu de chorégraphie, mais voilà, ils auraient pu se mettre des coups de grippin, des conneries du genre. C'est ça. Et encore une fois, par contre, quand elle retire l'oreiller et qu'on voit le visage démoniaque du personnage, le visage est bien fait. Mm-hmm. Voilà, c'est tout. Donc, globalement, oui, les effets sont bien faits. Ça, oui. Pas... Mais voilà, je trouve que c'est le segment qui a en fait la meilleure idée, mais qui du coup n'en fait rien. Bah ouais, encore une fois, quand tu arrives au bout, tu te dis, mais pourquoi ça, quoi, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette fin? Voilà. Le quatrième segment, qui lui aussi a une bonne idée, qui lui l'exploite, mais qui du coup le fait beaucoup trop durer, c'est la femme du professeur. Donc ce professeur qu'on a vu un petit peu dans différents autres segments, qui est un personnage de professeur un peu foufou, qui fait un petit peu Frankenstein, humour folle dingue sur les bords, quoi. Qui en fait accueille chez lui deux de ses élèves, je crois que c'est ouais, des élèves. Ses anciens élèves, ouais. Voilà, pour leur présenter sa femme. Parce qu'il va se marier, une femme à une scientifique russe. Ouais. Alors eux, ils l'apprennent après, ça, du coup, qu'elle a perdu la mémoire et tout et tout. Mais bon. Du coup, le professeur n'est pas là, elle commence à leur servir l'apéritif, tout ça, mais elle agit de manière très bizarre, très robotique. Et justement, ces deux scientifiques-là se disent « Mais c'est vrai que le professeur aimait beaucoup le mythe Frankenstein. Est-ce qu'il n'aurait pas créé, finalement, un être humain artificiel comme ça ?» Et au bout d'un moment, ils se disent « Bon, on va vérifier. » Et ils assomment la nana, ils la dépècent carrément, ils la coupent en morceaux pour essayer d'analyser. « Regarde, est-ce que c'est une création ?» Et puis ils se disent « Ah, c'est tellement bien fait !» En fait, ils y croient tellement. Ils disent « C'est tellement bien fait, regarde-moi !» Alors qu'en fait, ils sont avec des bouts de cadavres, tout simplement. L'idée est drôle. Vraiment, pour le coup, l'idée est rigolote. Encore une fois, visuellement, c'est plutôt bien fait. Mais ça dure 3 plombes, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Et c'est pas très bien joué. C'est pas très bien joué, c'est ultra cringe dans la manière dont la nana joue. C'est-à-dire, il y a des moments où tu te dis, mais c'est un film porno que je regarde. Donc, au bout d'un moment, ça va mal tourner, quoi. Ce qui, à la limite, pourrait être volontaire avec le côté, il a créé un robot femme parfaite. Oui. Donc, bah, y a la dimension. Un peu poupée gonflable. Voilà, sauf que c'est pas prévu du tout. Ouais. Quoi. C'est. Ouais, c'est long. Encore une fois, il y a des scènes, je ne comprends pas pourquoi elles sont là. En fait, la première scène où il est dans son labo, elle ne sert à rien pour le reste. Oui, non, elle sert à rien. Et ça fait perdre du temps. Et la fin, par contre, elle est trop brutale. C'est juste, il rentre, il trouve la tête de la femme dans le four, il n'y a pas vraiment de conclusion, d'idée de vengeance, enfin il n'y a rien, ça se conclut. La majorité des segments se conclut de manière brutale. Ouais. Donc c'est. Parce que oui, effectivement, c'est plutôt rigolo. La scène où il la dépèce aurait pu être drôle, parce que c'est quasiment. Enfin, le cadavre est en hors champ et tu les vois juste remonter avec des bouts qui balancent oui. Ici et là. D'ailleurs, on peut en profiter, le film n'est pas tellement gore finalement. Non. Bon, comme Creepshow, premier du nom, en fait. Oui, ça reste, c'est pas non plus tout public, oui. Mais ça reste, voilà, le public averti. Le but est quand même surtout humoristique. Ouais. Mais ouais, voilà, c'est l'exécution, encore une fois, qui pose totalement problème. C'est ça, toujours. À faire trop durer un truc qui est une idée sympa, mais qui aurait dû durer 5 minutes. Et pourtant, c'est un des segments les plus courts, déjà. Oui, déjà. Et arrive le dernier segment, qui lui aussi est interminable. L'histoire de ce personnage totalement ignoble, qui est médecin, qui à un moment se rend à son cabinet, ça dure vraiment 10 000 ans, tout ce passage-là où il est dans la rue, où il parle à tout le monde de manière agressive, on voit que c'est un connard fini. T'as pas besoin que ça dure 10 000 ans, en fait, pour qu'on le comprenne, normalement. Mm-hmm. Mais bon, à un moment, il achète un hot dog, il le fait tomber par terre, du coup, il le file à un clodo du coin qui lui demandait de la thune. Et il se trouve que, ce sans-abri, s'étouffe avec le sandwich, et genre les gens sont en mode « Ah, il faudra un médecin et tout !» Bah lui, il est médecin, mais il s'en carre, hein, il continue sa route, il va taffer. Et au bout d'un moment, il se retrouve hanté par le fantôme de ce sans-abri. Voilà, c'est le pitch global. Et tout est lent, parce que déjà, entre le moment où le sans-abri s'étouffe et au moment où son apparition fantomatique arrive, il se passe 10 000 ans. Mais 10 000 ans de rien. Bah parce qu'il y a toute une séquence, il y en a deux comme ça, des séquences comme ça, pseudo-humoristiques, où ils enchaînent on les le voit les au cabinet, où il enchaîne les patients. Et là, encore une fois, vraiment, je me suis dit, merde, ce film est réalisé par une monteuse. Et c'est extrêmement mal fait. C'est-à-dire, c'est un truc qui pourrait être rigolo en jump cut, oui. Soit que sur lui, soit que sur les patients, rapide, avec juste les réactions soit des uns, soit des autres. Soit lui qui est un connard fatigué, soit les patients qui le voient être un connard cynique. Là, ça aurait pu être drôle en durant moins longtemps, en étant plus rythmé. Ça dure longtemps. En fait, c'est le genre de séquence que t'as typiquement dans Dr. House quand il enchaîne les consultations. Oui. Et qu'il les expédie tous parce qu'il en a plein de cul et qu'il les déteste. Et c'est souvent des séquences que je trouve très drôles dans Dr. House. Mais d'ailleurs, je crois que Dr. House, ça commence en 2005. Donc d'ici à y voir une inspiration, il n'y a qu'un pas parce que ils sont peut-être dit, ah, ça marche dans la série avec l'autre, là, on va faire pareil. Avec l'autre. Donc du coup, on va faire pareil, mais sans comprendre. Voilà. Mais en fait, là, la séquence dont on vous parle, c'est comme si vous aviez la célèbre séquence montage de Pretty Woman où elle fait ses, tu sais, où elle fait tous ses achats. C'est comme si vous aviez cette séquence-là, sans musique déjà, avec que du dialogue insipide où elle va acheter ses fringues, et au lieu de durer, dans le film dans Pretty Woman, ça doit durer quoi, 2 minutes, ouais, tout cassé. C'est comme si ça durait 15 minutes. Ouais, imaginez que vous la voyez vraiment regarder l'étiquette prix à chaque fois. Voilà. Hein, enfin, c'est ça. Faire tous les trucs chiants. C'est interminable, quoi. C'est pour ça que le cinéma, c'est bien. Parce que on voit des gens faire des tâches chiantes, mais les passages chiants, on les voit pas. C'est peut-être un personnage qu'on aurait pu avoir un peu dans un King, quand même, celui-là. Il a le côté héros de La peau sur les os. Ouais, mais en trop agressif, pour le coup. Oui, oui. En un peu plus sympathique, oui, ça l'aurait fait. Mais là, il est vraiment... C'est vraiment un connard fini, quoi, au début. Ouais. Il y a une scène longue et totalement inutile où tu le vois aller à une fête et qui se trouve être une fête organisée par le vampire où visiblement on a bu son sang ou un truc du genre. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais je suis pas certain. J'ai rien compris. Ça dure longtemps, ça ne sert à rien à part à connecter les segments, mais c'est vraiment inutile. Mmh. Et ben le seul effet, c'est qu'il est fatigué le lendemain, mais ça, t'aurais pu juste le voir rentrer dans une fête, et, voilà, ressort, et après, tu fais un cut et tu le vois ressortir à 5h du matin complètement déchiré. Voilà. Voilà, ça aurait été beaucoup, presque drôle, en fait. Alors que là, oui, il rentre dans l'appartement et il fait tout le tour de l'appart en disant bonjour à tout le monde, quoi. Mmh. Tu dis, mais pourquoi nous montrer ça? À quoi? En plus, ça ne sert à rien. Une fois qu'on a vu que le propriétaire de l'appartement, c'est le mec que la serial killer va retrouver, le reste ne sert plus à rien. Mmh. Ça ne servait à rien de le montrer. Sauf le passage où il voit le fantôme du sans-abri, mais voilà. Je viens de tilter, il arrête pas de prendre des cachets, en plus, le médecin. Oui. Il y a carrément une inspiration Dr. House, c'est pas possible que ce soit pas fait exprès. Un médecin connard qui fait des consultations en prenant des cachets toutes les 5 minutes, c'est pas possible. Il a pas de canne. Oui, oui, ils se sont peut-être dit que c'était trop. Il manquait plus que... Il manquait juste qu'il appelle l'infirmière par un numéro. C'est ça. Mais ça y était pas encore à l'époque dans Dr. House, c'est plus tard, numéro 13. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et puis ouais, bah, au final, le cœur du truc qui est censé être le fantôme du mendiant qui veut lui faire manger le hot dog en fait pour l'étouffer à son tour, bah c'est quasiment pas présent en fait, vu que tout est occupé par tout ce qu'on vient de dire. Voilà, vous vous rendez bien compte qu'on a presque pas parlé de ce qui est censé être l'intrigue principale, parce qu'elle est très en retrait. Parce qu'à la fin, à un moment, il sort de son cabinet pour rentrer chez lui, il retombe sur le fantôme, il se concentre pour voir ce que le fantôme veut lui dire. Le fantôme lui dit merci pour le hot dog et l'autre il meurt. Ouais. Une espèce de crise cardiaque. Ouais, d'accord. Parce qu'il veut lui faire manger son hot dog. Il a pas sorti son hot dog du ventre une précédente fois. Il veut lui faire manger. Oui, c'est ça. Et ça c'était une première fois quand il l'a attaqué. Oui, c'est ça. Ça aurait pu être intéressant encore une fois, mais il aurait fallu que le mendiant soit bien plus présent, qu'il se rapproche bien plus doucement. Il y avait des choses à faire avec un personnage comme ça. En plus, là vraiment, il aurait pu y avoir un côté moral. Automatique, oui, vu l'histoire. Clairement. Mais non. Pareil, quitte à avoir un médecin, ça aurait été plus intéressant quand même si ça avait été une vraie erreur médicale, son problème de base. Oui. Une erreur médicale causée par sa négligence. Il y a tout ce passage interminable où il annonce à une adolescente qu'elle a une tumeur au cerveau. Ça dure 3 plombes. Juste pour montrer que c'est un connard, sauf qu'on l'avait déjà vu. Voilà, on le sait déjà en fait, ça sert à rien. Ou alors il fallait commencer l'épisode par ça, justement. Oui, et ça aurait posé le personnage une fois pour toutes. Ouais. Voilà. Interminable. Et le film se termine avec le mariage du professeur et de sa dulcinée qu'il a reconstruite. Ouais. Qui sort de l'église en mode la momie. Elle est entièrement recouverte de bandages. t'es vraiment dans un vrai monde bien fait, tu vois. T'assistes à un match comme ça, tu te dis, bah, je vais quand même appeler la police, c'est bizarre. Oh, on est aux États-Unis, dans certains états profonds, à mon avis, tu peux la marier, ça peut être une gamine de 10 ans, personne tilt. Donc... Oui, enfin là, à un moment, elle perd sa main, donc... Oui, ça arrive, ça va. Voilà, le film se termine sur cette scène elle-même interminable, alors qu'elle ne durait que 3 minutes. Non, parce qu'il y a aussi, tu revois la famille du premier segment, avec la mère qui se souvient qu'elle avait une fille, mais tout le reste de la famille l'a oublié, donc croit qu'elle est folle. Voilà. Alors, encore une fois, pourquoi pas, mais c'est mal fait. Et après, t'as une image quasi fixe de comics, qui est probablement l'image dessinée la mieux faite de tout le film. Et qui, c'est l'image de ma jaquette. C'est l'image de ta jaquette. De la jaquette espagnole. Ouais. C'est ça. Donc non, la jaquette espagnole n'est pas hors sujet, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, elle représente l'écran de fin. Parce que sinon, on a parlé des transitions comics entre chaque segment. Oui, qui sont dégueulasses. Vraiment, je pense que c'est le filtre dessin animé de certains logiciels de montage, hein, encore une fois. Parce qu'ils n'ont pas demandé, je pense, à quelqu'un de dessiner vraiment ça. C'est fait à la zob. Oui. On est loin des... Et puis surtout, ça fait pour le coup pas du tout comics à la Creepshow, comics un peu horrifique, comme le faisaient les deux premiers qui reprenaient ce style. Là, c'est bande dessinée lambda, vieille bande dessinée en plus. Aïe aïe aïe. Bon bah Creepshow 3, voilà, on a fait le tour de tous les segments. Est-ce que c'était bien, Issam? Ah non, c'était... c'était... C'était long. Un projet. C'était long, ça dure quand même 1h45. Hein. Ouais. Je tiens quand même à le dire. Ouais, c'est bon. D'ailleurs, je me suis fait flouser. Parce que la jaquette espagnole t'indique 104 minutes. Et t'en as eu une de plus. Bah voilà, du coup. Tandis que moi, ça devait pas être le même encodage. Je crois qu'il faisait que 100 minutes, mon DVD allemand. Ah bon? Ouais. Ah. Mais tu me dis. Ah, mais non, mais toi, c'est un DVD, moi, c'est un Blu-ray, donc l'encodage. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc oui, effectivement. Ouais. J'ai gagné 5 minutes de ma vie par rapport à toi. Oui, mais moi j'ai gagné du 1080p. Oui, bon, vu la qualité d'image, je suis pas sûr que c'était nécessaire. Mais... Ah, ça me permet de mieux admirer ce grand film qui est Creepshow 3. Puis il y a des gens qui vont tomber sur la jaquette par hasard en regardant ta DVD tech et qui vont se faire piéger, qui vont se dire ça a l'air cool. Ah, écoute, tu sais, l'une des choses que j'attends le plus, c'est quand j'aurai des enfants, que je les éduquerai au cinéma. Et qu'ils seront encore un petit peu crédules et qu'ils se baladeront comme ça dans la DVD tech. Et ils vont... Oh, la jaquette est belle! Et ils vont mettre dedans et vont se retrouver devant des sombres merdes. Oui, parce que t'en as 2-3 des comme ça, je pense. Ah oui, j'en ai plein des comme ça. Ouais. Oui. Enfin, je peux parler, parce que voilà. Oui, mais tu vois, par exemple, là, le premier truc que je vois, c'est dans ta DVD tech, c'est mon curé chez les Thaïlandaises. Je pense que même un enfant, il voit ça, il comprend. Ouais, mais alors, elle est dédicacée, mon édition de mon curé chez les Thaïlandaises. J'en suis très très fier. Mais oui, par exemple, Cerberus, je pense qu'un enfant pourrait se faire berner par la jaquette de Cerberus. C'est ça. De mammouth aussi, parce que je sais que tu l'as. Ah oui, ce mammouth-là. Et ce mammouth-là. Oui, d'accord, j'étais sur le mammouth avec Depardieu. Non. Bref. Vivement que j'ai des enfants. Ça va me faire passer de très bons moments. Ouais, les pauvres. Par contre, s'ils choisissent de voir Creepshow 3, je ne le reverrai pas avec eux. Hein, et... Ah bah oui, tu laisses se débrouiller. Hein, démerdez-vous. Hein. Ils font leur vie. Hein, moi, je suis là pour les bons films. Voilà. Ok, on leur diffuse quand même une petite scène. Bah ouais, bah va falloir... Voilà, va falloir. Hein. Désolé. Qu'ils sachent ce que c'est. Allez, c'est parti. Très bien, donc nous allons vous mettre une petite scène issue du deuxième segment, la radio, on l'a déjà vite fait évoquer, c'est la scène d'interrogatoire, parce que le voisin du héros s'est fait tuer, s'est fait tuer par le héros, hein, nous on l'a vu, qui... Je ne sais même plus la raison exacte. Si, il essayait de s'introduire chez lui. Ah oui, ouais. Et il l'a balancé par-dessus la rambarde de l'escalier. Ouais. Tu vois que ça sert de regarder les films le matin même. Oui, ouais. Bon, oui, voilà, il passe un très mauvais dimanche après. Et donc, la police vient pour faire des interrogatoires. Ouais, situation normale. Enfin, la police, comme tu y vas, quoi. Murder-suicide. Yeah, well, that's what it looks like. Tied her up with duct tape, stabbed her about 50 times, maybe more. Lots of blood. That's a new brand of sick. Nah, it's not so new. Word is they had a drug problem. They fought a lot, that sort of thing. I knew about the drugs. Yeah. Everybody heard the fighting. Yeah. Got any more milk? I'm afraid this is the last of it. Right. Well, thanks for your time. Not a problem. Sticky. Okay. Oh, if you think of anything, here's my card. Sure thing, Officer Jacobs. Detective. Oh, right. Detective. Yeah. Très bien, donc voilà, c'était long. Oui, c'était chiant. C'était vraiment pour vous illustrer. Alors du coup, vous avez eu le passage en anglais, vu qu'il n'existe pas du tout de version française de doublage. Ouais. Parce que d'habitude, on les met en français pour que vous puissiez comprendre. Vous autant que possible. Après, c'est pas la première fois que c'est de l'anglais. Hein. Voilà. Les démons du maïs, dans l'ensemble, c'est toujours de l'anglais. Essayement. Ah, que oui, mais... Les plus grandes sagas. Les plus grandes sagas voilà. que le monde entier envie au cinéma. Mm. Voilà, comme ça vous avez bien compris que cet interrogatoire n'a ni queue ni tête, n'a aucun sens. Alors qu'en soi, il est pertinent, effectivement, t'as quelqu'un qui est retrouvé mort en bas d'une cage d'escalier dans un immeuble, bah t'interroges l'intégralité des locataires, oui, ça. C'est normal. Attends, mais ouais, là, il y a... Il n'y a rien d'interrogatoire, en fait. Mm. Surtout que le mec se comporte de manière vraiment suspecte. Oui, vraiment bizarre. Il y a plein de trucs qui vont pas. Enfin, tu sens que le policier se méfie un peu, mais qu'il creuse pas plus que ça, que c'est une menace quasi inexistante. Oui, c'est ça. Et oui, avec cette histoire de verre de lait, je sais pas pourquoi c'est là, pour faire croire qu'il essaie de faire croire qu'il boit pas, peut-être. Peut-être, ouais. Bonne image. Ah, ça, je pense que possiblement on le voit pas, mais que la radio lui ait dit d'arrêter de boire de l'alcool et de boire. Que du coup, maintenant il est passé au lait, je crois. Ouais. Il a changé son addiction. Je pense qu'effectivement, niveau santé. Consommer du lait, ça reste mieux que de l'alcool. Moi, je pense que du lait en forte dose, niveau santé, c'est pas non plus idéal. Ouais, les lobbies laitiers nous ont bien menti là-dessus. Hein. Je crois que le lait, c'est pas ouf non plus. Je pense que le seul truc que tu peux boire en grande quantité sans risquer de crever, c'est l'eau. Et encore, faut pas non plus en boire 10 litres par jour. Oui, voilà. Parce que même ça, tu peux faire une intoxication à l'eau. Mais bon, bref, on n'est pas médecin. Contrairement au héros du cinquième segment. Ah oui. Ah oui, ça on l'a bien vu, connard. D'ailleurs, la radio, a priori, c'est le professeur qui l'a vendu, enfin, qui l'a donné au mendiant. Oui. Qui derrière la vend. Parce qu'après, il veut récupérer son kit du voodoo pour remonter sa femme, du coup. Ce qui est étrange, parce que le voodooisme, ça sert pas à remonter une femme. Moi, je me disais que le voodoo, ça aurait été plutôt pour se venger des deux autres. Non, parce que regarde, c'est du vaudou dans Chucky, par exemple. Transfère son esprit dans la poupée, c'est du vaudou. Effectivement, on est sur le truc spécialisé dans le vaudou dans le cinéma, effectivement, c'est la saga de Chucky. Ah bah pour le coup, on parle de bons films. Ouais. En parlant de Chucky, il y a un potentiellement lien. Bon film. Au moins, il y a un lien entre le réalisateur de Chucky et ce vidéoclub. Oui. On en a déjà parlé. Tu vois la saga The Doll, la saga du film thaïlandais. Ouais. Il y en a un qui sort bientôt et ça a l'air d'être clairement inspiré de Chucky. J'attends de voir parce qu'ils étaient sympas pour le moment, les trois. J'ai vu que les deux premiers, moi, pour l'instant, quand j'ai pas encore vu le troisième. Oui, il s'appelle Sabrina, le 3. Ouais, c'est ça. Mais ça vaut le coup. Il y a eu The Doll 1, 2, Sabrina. Après, la deuxième Sabrina. Bah, justement, ce sera Sabrina 2. Je d'accord. Qui sera avec une bonne inspiration de Chucky, j'ai l'impression. D'accord. Les films dont on parle sont disponibles sur Netflix. Hein. Voilà, c'est du cinéma d'horreur thaïlandais sympa, comme ça on vous aura conseillé des bons films. C'est pas de la production Netflix. Ouais. C'est totalement. Alors. Il faut juste. Un petit peu. Baisser ses attentes en termes d'effets spéciaux, forcément, et de rythme un petit peu aussi. Ouais. Mais bon, c'est quand même un pays totalement différent. de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est quand même plein de bonnes intentions. Oui, clairement. Ouais. Je crois que le réalisateur s'appelle Rocky Soraya. Voilà. Je crois, hein, je suis pas tout à fait sûr. Mais oui, clairement, on sent l'envie de faire quelque chose. Comme ça, on aura conseillé des films pas gros budget qui marchent. Voilà. Voilà, c'est un peu la compensation pour ceux qui ont tenu jusque-là. Bon, bah, on va classer ça. Hein. Bah, oui, bah, on y va. C'est obligé, parti. On est bien obligé, hein. Très bien, donc pas de livre à classer aujourd'hui, parce que oui, on ne l'a pas explicité, mais je pense que ça vous a semblé évident. En réalité, il n'y a aucun lien entre ce Creepshow 3 et Stephen King. On l'a fait parce qu'on fait les sagas en entier. Voilà. Mais les liens sont aussi flous que dans le cas de The Mangler 2, sinon. Voilà. C'est pour ça qu'un jour, on devra également faire la série Creepshow. Ouais. Qui est toujours en cours. Donc mais pour le coup, la série Creepshow, il y a plus de rapport avec King, parce qu'il y a toujours à chaque saison un ou deux épisodes adaptés de ses nouvelles. Ouais. Donc, dans les films, il y en a 56 à ce jour-là. On en est déjà là. Vache. Aux 5 premières places, nous avons Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Misery de Rob Reiner. Et aux 5 dernières, Le Fléau de Mick Garris, The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et Doctor Sleep de Mike Flanagan, donc avec le même directeur des effets spéciaux maquillage, que dans Creepshow 3. Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin de remonter trop dans le classement. Non, on va pas remonter les masses. Ouais, c'est l'effet que ça m'a fait, moi aussi. Je pense, moi, qu'on est dans la zone trucks. Les camions de l'enfer. Ouais. Oui, clairement, on est dans cette zone-là. Après... Voilà. C'est des places où on va pas se battre. Ouais, voilà, c'est ça. On va pas se blâtre. Ce qui me fait rapprocher ces deux-là, c'est que j'ai l'impression qu'on en retire à peu près la même chose, à savoir que c'est globalement très très nul, très très mal fait. Mais il y a, comme l'idée de la petite voiture et l'idée du costume à la hache dans... Ouais, voilà. Pour moi, on est dans la même situation, j'en retiendrai peut-être le dépeçage de... Ouais, des effets visuels qui, quand même, globalement, sont mieux réussis sur Creepshow 3, quand même, je dirais. Oui, oui, oui. Comme tu veux, soit au-dessus, soit en-dessous, ça me dérange pas. Bon, peut-être au-dessus si les effets sont... Ouais, pour les effets visuels. Ouais. Oui, je pense que c'est ça. Au-dessus de Trucks, les camions de l'enfer, donc en dessous de Détour mortel de Michael Salomon, ce qui lui donne la 47e place. Voilà. Très bien, bon, bah c'était pas bien, voilà. nous, on se retrouve dans 2 semaines pour parler de Carrie, la version réalisée en 2013 par Kimberly Pierce, qui nous donnera l'occasion de terminer la saga Carrie. Ouais. On les aura tous faits, c'est la 2e saga qu'on aura terminée après les Mangleurs. C'est vrai, mais c'est des petites sagas finalement. Bah, 3 et 4 films respectivement. Après, du coup, on va voir des naissances de sagas prochainement, avec le remake de Christine. Effectivement, si ça se fait, en effet, oui. Après, pour toi, c'est à partir de combien d'épisodes, saga? Parce que du coup, on a aussi clôturé la saga Cimetière. Non, on n'a pas fait Cimetière 2. Ah mais oui, on n'a jamais fait Cimetière 2 encore. Non. Oh putain, oh, j'ai hâte. Que je ne connais pas du tout Cimetière 2, donc ce sera une totale révélation. On va se régaler. Donc voilà, c'est... Bah, du coup, on a fait la saga Les Camions de l'Enfer. Ah, ça oui, parce qu'il n'y a que... effectivement, il y a que Les Camions de l'Enfer et Maximum Overdrive. En attendant une nouvelle adaptation, parce que c'est le fils de King qui réfléchissait à l'adaptation. On en avait parlé de Joey. Et ça serait extraordinaire que ça soit aussi mauvais. Ce serait magnifique. Ça serait vraiment la malédiction, ouais, des malédictions King familiale. Au cinéma, quoi. Bon, bah, vous pouvez en attendant nous retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais, @cinémaarchiviste pour toi, @chrislosttales pour moi. Ouais, bon, bah, tant que Twitter existe encore. Hein, oui, voilà, on finira c'est peut-être. C'est compliqué en ce moment. Hein. On finira peut-être par aller chez Mastodon, parce que là-bas, il n'y a pas des connards blindés de fric qui font de la merde. Ouais, c'est ça. C'est... J'attends de voir les prochains jours, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un exode massif hein, de Twitter, là. Ouais. Donc voilà, vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, on mettra le lien dans la description. On a un nouveau podcast, cette fois-ci, je pense qu'on peut le dire. Oui, parce que logiquement, à la sortie de celui-là, il y aura au moins le premier épisode de sortie. T'en es où, toi, du montage ? Bah, il me reste juste à le finaliser, c'est juste que dernièrement, j'étais un petit peu pris de court par pas mal de trucs. Mais normalement, à la sortie de cet épisode-là du Vidéo Club, vous aurez le premier épisode de la 9e dimension, du coup. Podcast consacré à la bande dessinée en règle générale, donc bande dessinée, manga, comics. Ouais. D'où le premier épisode abordera Basketful of Head, écrit par Joe Hill. Voilà, donc on garde un petit lien avec le vidéoclub. Toujours le clanking, hein, on reste autour d'eux. Et on peut préciser que d'ailleurs, la 9e dimension n'est pas que tous les deux, on est aussi avec notre camarade Necronomicor, ouais, avec qui on avait déjà fait des podcasts avant. Ouais, il y a un petit moment maintenant. Ouais. Bon, bah voilà, c'est tout le programme. Et en attendant, n'oubliez pas que le vidéoclub de Castlerock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. A plus. Salut.